Vas-y. Il est pas bien aujourd'hui, monsieur Hep. Il a dû passer une mauvaise journée au travail. On s'en branle. Un morceau de téléphone. Ouais. pensent les autres. Tu vois, je m'en bats les couilles. S'ils sont mal dans leur peau, moi j'y ne peux rien, tu vois. Mais avec toi, Titi, à chaque fois, je passe un bon moment. Allez, Titi, on s'en fout, tu vois. On les emmerde tous, tu vois. J'ai passé l'âge de me faire emmerder par des petits niqués. S'ils ont passé une mauvaise journée, je suis pour rien, tu sais. Allez, Titi, fais péter la distille. Je voudrais dire à tous ces gens qui sont stressés, hé les gars, calmez-vous, la vie est courte, il faut en profiter. Tu vois, je crois qu'ils ont besoin de vacances, toi et moi. Toi, tu es pas comme ça, rassure-moi. Est-ce que tu es cool dans la vie? Je crois que tu es cool comme tu vas sur ta guitare. Moi, je m'en fous, tu vois, de tous ces dons autour de moi. Je leur dis, si vous êtes pas contents, barrez-vous, voilà. Papa où t'es, papa où t'es. Papa où t'es. Papa où t'es, papa où t'es.